Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour ou bonsoir, nous nous retrouvons pour ce dernier numéro de Ludologie de la saison. Alors nos saisons vont de grosso modo septembre à grosso modo juin, donc là normalement vous nous écoutez, ou si vous nous écoutez à la date de sortie, en tout cas c'est sensiblement mi-juin. Et comme l'année dernière, on a décidé avec Adrien pour ce dernier numéro, un peu exceptionnellement, de ne pas avoir d'invité, et puis nous de vous parler des sujets qui nous préoccupent, d'apporter un petit peu d'éclairage. On en profitera aussi pour parler un petit peu boutique, puisque on arrive au bout de 2 ans de production, 32 numéros, c'est le 33e numéro de Ludologie, avec un panel dont on est assez satisfait, en tout cas en interne, et donc on vous parlera de ça, d'éventuelles évolutions du programme à venir. On a quelques petites surprises, voilà, des choses assez chouettes. Mais on va aujourd'hui pas mal avoir des discussions d'ordre professionnel ou semi-professionnel, puisque ce sont les sujets qui ont taraudé Adrien ces derniers temps. Vous vous rappelez peut-être, si vous nous avez écouté en juin dernier, que j'avais pas mal parlé de sujets qui m'intéressaient, à savoir les modèles économiques en jeu mobile et l'usage du financement participatif, qui était quelque chose qui se développait notamment en jeu de rôle, qui posait un certain nombre de questions. Je vous rassure, ça les pose toujours, hein, avec des acteurs qui ont des usages variés. Quand je dis que ça pose des questions, c'est pas forcément pour dire que c'est mal ou que c'est bien, mais qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des façons de faire des jeux, et puis surtout de les financer, qui évoluent. Et moi, je trouve ça très intéressant à regarder, en tout cas. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt des travailleurs du jeu, si on peut parler de cette terminologie-là. Alors, Adrien, tu voulais aborder 2 sujets. Le premier, c'était autour de l'e-sport. Alors, pour commencer et faire simple, pour les quelques auditeurs que nous avons chez Ludologie qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'e-sport ? Alors, l'e-sport, donc la traduction littérale, c'est donc sport électronique. Donc, ça a concerné tout ce qui est pratique compétitive, je dirais même sportive au-delà de la compétition, parce qu'on a interrogé justement la notion de compétition, mais là c'est vraiment un but de performance et vraiment de compétition très classique, très institutionnalisée, comme les Jeux Olympiques par exemple, donc du jeu vidéo. Donc là actuellement on voit de plus en plus de médias s'intéresser très près à cette pratique, parce que ça génère beaucoup d'argent, faut quand même se l'avouer, avec des jeux type League of Legends, qui est très connu. Là voilà, moi je fais partie de 3 de combo, donc forcément je connais un petit peu les jeux de combat type Street Fighter, le 5. Et voilà, beaucoup de jeux d'opposition d'ailleurs, faudra quand même aussi le rappeler. Donc des jeux comme League of Legends, Street Fighter, voire même certains jeux de foot. Voilà, c'est toute cette pratique compétitive de ces jeux-là. Et alors, en e-sport, jusqu'à récemment, on avait un certain nombre de compétiteurs, notamment français, qui s'étaient lancés dans l'aventure avec l'idée d'en vivre comme un certain nombre de sportifs. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans une pratique, on en a déjà parlé dans l'Ludologie, hein, mais on n'était plus dans une pratique loisir du jeu, mais bien dans une pratique professionnelle, côté joueur et pas côté créateur. En France, ça pose un certain nombre de questions, notamment statutaires, et il semblerait qu'il y ait des choses qui soient en train de bouger sur le sujet. Tu peux nous en parler un peu plus ? Exactement. En fait, enfin, j'ai eu cette idée de sujet quand il y a eu la fameuse loi e-sport. Pour la petite anecdote, donc, comme j'ai dit, je suis 3 de combo. Donc on organise notamment un festival qui est le Stunfest, qui est un des grands moments forts d'un tournoi. Et en fait, on est vers nous sur ouais, ils vont nous aider. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça, la loi e-sport. Ce qui se passait avant, c'est que on voyait des joueurs qui se mettaient en équipe, parfois payés par des marques de boissons énergisantes, de sites pornographiques, de choses comme ça, donc des gens qui étaient financés pour s'entraîner à longueur de temps. Et rapporter les gros prix dans les compétitions. Donc il y a tout un cercle économique qui s'est formé sur une pratique compétitive parce que, en gros, les éditeurs de jeux organisent des tournois, les streams, ce qui fait de la publicité. Ça génère vraiment des revenus publicitaires. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à lire le dernier papier de Yvan Godet sur Canard PC. Vous pouvez, je pense, y accéder très, très facilement. Et puis, je crois qu'il est gratuit sur le site, sur ça. Donc, il y a tout un business qui se fait du côté éditeur, qui organise des événements. Ça lui fait un gros coup marketing et en plus, ça lui génère des revenus publicitaires. Et aussi, donc des sponsors qui viennent payer des joueurs à s'entraîner tout au long de la journée, dans des conditions qui sont toujours, je pense, très questionnables, pour jouer et remporter ces compétitions. Voilà un peu pour défricher le contexte. Et donc jusqu'à présent, ça truandait un peu. Il faut quand même se l'avouer. En tout cas, au niveau des joueurs, au niveau des compétitions, c'était assez carré dans le sens où les organisateurs étaient soumis aux mêmes conditions juridiques que la loterie. C'est-à-dire, eux, ils considéraient ça comme un jeu de hasard. Or, parce que ce sont des jeux qui sont pensés, réglés comme des jeux de compétition, il y a très très peu de place au hasard. Et effectivement, quand vous avez face à vous un champion, vous verrez très vite la différence. Et vous avez très peu de chances de gagner. Donc il y a eu une loi qui est passée très récemment, alors je n'ai plus la date exacte, mais donc ça a changé le statut social des joueurs, parce que jusqu'à présent, on se débrouillait, c'était du bénévolat, c'était du black, ou alors c'était on demandait aux joueurs d'avoir des statuts d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur qui est très critiquable, et c'est quelqu'un qui est passé au RSI aujourd'hui qui vous le dit. Donc maintenant, les joueurs professionnels ont un statut social. Ils ont droit à un CDD un peu spécifique qui est entre 12 mois et 5 ans qui permet donc de réguler les participations dans les teams. Aussi, il y a un autre souci que j'ai oublié d'évoquer, c'est au niveau des mineurs. C'est-à-dire qu'on a des jeunes joueurs de 16-17 ans qui se lancent, qui rentrent dans des teams. Et bah, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Donc maintenant, grâce à la loi qui est passée, il faudra une autorisation parentale pour que des mineurs puissent jouer en compétition et les gains qui seront déposés, parce que ça peut aller très très loin, ça peut atteindre plusieurs milliers d'euros en France, et je ne parle même pas dans d'autres pays. Donc les gains seront déposés à leur majorité, les gains sont déposés sur des comptes bloqués qui pourront accéder à leur majorité, donc c'est par la Caisse des dépôts. Donc la loi aussi, comme je disais avant, c'était considéré comme de la loterie. Maintenant, les compétitions de sport électronique ont un statut spécifique qui permet une autorisation, si vous voulez, qui permet que les frais de participation des joueurs restent d'une importance limitée par rapport au coût d'organisation. Parce qu'effectivement, je vais prendre un cas que je connais bien qui est le Stunfest, accueillir 500 personnes pendant 3 jours pour jouer, ça engrange des coûts d'électricité, de location du local, de stream aussi. Enfin voilà, faut quand même avoir une infrastructure web qui est assez importante parce que le flux vidéo, ça ne se gère pas comme ça. Avoir des professionnels qui gèrent tout ça aussi, c'est des compétences techniques lourdes. Et pour des petites structures comme l'association 3Hit Combo, Là, je prêche pour ma chapelle, hein, qu'on s'entende bien. Ce sont des coûts importants. Si bien qu'on voit que ça se professionnalise beaucoup du côté des organisateurs et des diffuseurs de ces compétitions-là. Mais alors du coup, est-ce que la démarche, c'est de rapprocher le statut des joueurs d'e-sport des sportifs traditionnels ? Est-ce que c'est ça l'objectif et est-ce que c'est ça qui se passe dans les faits ? Alors c'est un statut un peu bâtard en fait, parce que le problème qu'il y a dans l'e-sport, c'est que les jeux changent souvent. La dernière, ça peut être le dernier jeu StarCraft. Bah, le jour où on passe au 3, du coup on fait quoi? On crée une nouvelle fédération, etc. Donc c'est des choses très compliquées, et en plus qui sont vraiment aux dépens des éditeurs. Par exemple, on sait que l'équipe actuellement commente des matchs de FIFA, je crois. Donc un jeu de football massivement joué. Et en fait, on commence à se poser la question, c'est ok, là cette édition, la dernière édition de FIFA, pour l'instant elle plaît aux joueurs, elle est massivement jouée. Mais imaginons la prochaine édition est nulle. Du coup, l'éditeur pourra tout à fait dire à l'équipe, bah non, vous ne diffusez pas l'édition précédente. Vous diffusez celle que je veux vendre. Et donc, il y a un vrai problème à créer des fédérations de joueurs assez puissantes pour dire non, on veut qu'il y ait des compétitions quasiment professionnelles, quand même. Totalement professionnel, qui joue à ces jeux. Mais en même temps, cette loi e-sport, c'est quand même potentiellement un progrès. C'est-à-dire qu'on donne aussi un statut à des gens qui n'en avaient pas jusqu'ici, et ça leur permet de déclarer leurs revenus pour le métier qu'ils exercent, puisque là, on est dans un cadre de métier. Hein, pour le coup, c'est profession joueur, concrètement. Donc, il y a quand même une avancée de ce point de vue-là, ou il y a juste des problèmes? Alors il n'y a pas que des problèmes, enfin, je ne vais pas jeter la pierre à Axel Le Maire, donc la ministre qui a l'initiative de cette loi, il faut quand même le saluer. Effectivement, elle a permis de créer un vrai statut aux joueurs d'e-sport. Après, je me pose la question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas être délocalisés pour les questions de taxes? Ça, c'est encore une autre question, parce qu'effectivement, les principaux sponsors des joueurs sont des boîtes. Sont des multinationales. Enfin, c'est vraiment, on est sur des marques, comme je vous ai dit, de sites pornographiques, de boissons énergisantes ou de matériel informatique haut de gamme. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Ça donne un statut aux joueurs. Le problème que l'on peut voir, c'est qu'actuellement, par exemple, le jeu vidéo, selon certaines institutions, si vous préférez, n'est pas considéré comme une œuvre de l'esprit. Et c'est notamment le cas au niveau des impôts. Je m'explique. En point de vue fiscal, par exemple, vous prenez un billet sur un festival qui propose autant de la conférence que de l'e-sport ou du concert, on va lui demander, bah non, enfin, ce que vous faites, ça ne concerne pas de l'œuvre de l'esprit. C'est, vous voyez, ça concerne donc de la compétition, donc c'est du sport. Donc, c'est taxé différemment. Ah, puis en plus, il y a la musique dans vos jeux, bah, faut payer la SACEM alors. Or, bah, on sait bien, enfin, je pense que tous les compositeurs qui travaillent dans les studios de jeux ne sont pas forcément inscrits à la SACEM. Donc ça pose beaucoup de questions, ça résout certains problèmes, c'est évident, mais ça pose beaucoup de questions en fait, c'est plus ça. Ça crée pas forcément de problème, ça, au contraire, ça en a réglé, mais ça pose beaucoup de questions. Et au-delà de ça, est-ce que ça envoie pas des signaux positifs à la société, disant aujourd'hui être un joueur professionnel, c'est quelque chose qui devient un usage? Effectivement, là-dessus, oui, totalement, c'est clair que ça envoie un signal assez fort. Après, il faut pas être, naïf vis-à-vis de ça. Axel Le Maire est une ministre qui a clairement, et même celle qu'on surnommait la ministre des jeux vidéo, Fleur Pellerin, ont toujours mis en avant l'aspect entrepreneurial là-dedans. Donc, on n'est pas dans le pays des bisounours. C'est-à-dire, j'entends par là qu'il y a mise en avant plutôt de l'industrie française. Pour preuve, c'est la création de l'association France e-sport qui est sous l'égide de l'État. Donc déjà, c'est intéressant, l'association sous l'égide de l'État, pourquoi pas. Et donc, on y trouve dans cette association donc des partenaires intéressants, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le SEL. Celui qui c'est un des gros structures, c'est une des grosses structures qui fournit des données sur le jeu vidéo, mais à dessein souvent. Le Monde a pas mal étrié les chiffres du SEL parce que effectivement ça a tendance à enjoliver les choses. Pourquoi? Parce que le SEL, comme son nom l'indique, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, quoi, ce sont des syndicats d'éditeurs, donc de gens qui ont tout intérêt à vendre leurs jeux. Ensuite, on y trouve le syndicat, excusez-moi, syndicat national de, des jeux vidéo, le SNJV. Un syndicat un peu plus ouvert, mais on verra plus tard que c'est pas sans contrepartie. On voit aussi Oxent, qui est une boîte qui organise le eSport World Convention. Donc là, voilà, c'est une boîte qui a tout intérêt à ce que l'eSport se développe, et à ce qu'il y ait des compétiteurs, à ce qu'il y ait des lots. On a Webedia Gaming, le propriétaire de JVC Millennium, et aussi Webedia, c'est surtout une agence publicitaire, donc qui a tout intérêt à ce qu'il y ait de l'eSport. On trouve Altab, donc, qui est propriétaire d'OGaming, une célèbre chaîne, enfin une célèbre plateforme de stream et de commentaires de parties de Warcraft. Lyon eSport, que je connais pas du tout, j'ai pas vu beaucoup d'informations dessus, donc je vais pas m'avancer. Futurolan, donc l'association qui est derrière la Gamer Assembly, qui est soi-disant la plus grande LAN de France. Donc LAN, c'est un jeu en réseau, sur PC si vous préférez. Et enfin, l'équipe LDLC, qui est donc la filière un peu e-sport de ce vendeur de matériel informatique. Donc on voit que les acteurs qui ont été mis en présence dans cette nouvelle structure, donc l'association France e-sport, si vous voulez, l'association France e-sport, ça va être le principal interlocuteur de l'État. Et on voit que cette structure n'est pas comment dire, ça vient du monde très professionnel et pas du côté joueur vraiment comme toi et moi dans l'udologie. On n'est pas dans les gens qui ont une analyse critique, on est dans des gens qui ont vraiment une vision métier. Alors c'est très intéressant et il en faut, mais on regrettera peut-être le manque peut-être de point de vue des pratiques amateurs. En même temps, si on parle d'e-sport, on est d'accord qu'on est dans un cadre compétitif, donc dans un cadre qui a vocation à se professionnaliser. Et puis, pour prendre, alors je ne connais pas tous les acteurs, mais je connais un petit peu Altab, donc la société qui gère la chaîne No Gaming. On reste, enfin, Altab, c'est une PME quand même, faut pas non plus se mentir. On est dans un cadre d'une boîte qui a, à tout casser, une vingtaine de salariés, et c'est des chiffres approximatifs, mais ça reste une petite structure. Et puis en même temps, pour un certain nombre d'interlocuteurs que tu décris, c'est des gens qui connaissent assez bien le milieu. Au gaming, c'est une chaîne qui est dédiée dans le commentaire d'e-sport. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien le milieu, mais ils connaissent le milieu aussi bien par son côté business que par les pratiquants. C'est des fervents, c'est pas seulement des businessmen. Alors, oui, effectivement, complètement. C'est sûr que là, effectivement, en installant des entreprises dans cette association, effectivement, on a affaire à des professionnels, du coup ils connaissent leur sujet, c'est évident. Par contre, le jour où Warcraft dit au gaming, vous arrêtez de diffuser du Warcraft, elle tape ferme, donc il y a un rapport de dépendance. Donc c'est pour ça que je regrette, et c'est ça que je voulais aussi interroger. Donc je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais tout, mais c'est ça que je voulais interroger dans cette partie, c'était justement où sont les joueurs, où sont les débutants. Par exemple, on parle beaucoup des affaires de la FIFA. C'est hyper intéressant ce qui se passe actuellement à la FIFA, les problèmes de pouvoir, les problèmes de corruption, etc. La Fédération Française de Football tient majoritairement sur les contrats télé. Et surtout, là où elle va chercher ses futures stars, les clubs dans les régions, dans les campagnes, dans les cités, etc. Donc sur des endroits où il y a des pratiques amateurs. Donc même point de vue business, ces professionnels auraient tout intérêt à inclure des acteurs du monde associatif, du monde de l'amateur, des pratiques amateurs, dans leurs réflexions. Or là, on n'a que du point de vue business qui est dépendant notamment des éditeurs. Selon toi, du coup, ce qui manquerait, c'est des fédérations comme on a en sport, je sais pas, une fédération française du RTS, une fédération française du FPS, une fédération française du MMO, un truc qui permet de rassembler des joueurs, parce que de ce que je comprenais, de ce que tu disais tout à l'heure, se fixer sur une typologie de jeu, enfin sur un jeu spécifique, c'est trop problématique parce qu'il y a un manque de durabilité, le jeu peut arrêter. Est-ce que en mettant en place des fédérations par genre, comme dans d'autres cadres, par exemple sportifs, on a la Fédération Française de Roller Skating qui regroupe plein de sports de roller et de skating très différents les uns des autres avec des potentielles évolutions de règles, mais en regroupant, on arrive à avoir quelque chose de suffisamment solide pour faire durer les choses? C'est clairement là où je veux en venir. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe. Enfin, bon, pour la petite information, enfin, je pense que tout le monde le sait, je suis journaliste de métier, et ce qui se passe avec l'équipe, je trouve ça très... Ça m'interroge dans ma pratique de comment on informe, comment on peut fournir une information, comment on peut commenter, même en direct dans le cas du journalisme sportif, un match. Et si on est dépendant d'acteurs privés, ça gêne, ça n'aide pas les soucis de transparence. Et on sait bien que le jeu vidéo est sujet à de nombreuses interrogations sur sa transparence là-dessus. Donc, effectivement, tout le monde, professionnel, amateur et institutions étatiques, auraient tout intérêt à inclure les amateurs dans ces processus de décision. Alors, justement, en parlant de structuration étatique, on va dire, tu voulais aussi parler du syndicat des créateurs, parce que pour le coup, j'ai l'impression que les problématiques sont assez proches. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors voilà, effectivement, c'est le deuxième point que je voulais, parce que on pose la question donc de l'e-sport, de la réglementation de l'e-sport, mais il y a aussi dans quel contexte on crée ces jeux. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des syndicats qui rassemblent les personnes qui créent les jeux. Donc en cherchant, donc je trouve très facilement le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Je dis bon, ce sont allés. Je joue un peu mon bas du front. Je dis ce sont des grandes compagnies multinationales qui sont loin de chez nous. Moi, je veux le codeur qui est à deux pas de chez moi. Donc, je tombe sur le SNJV, donc le Syndicat National des Jeux Vidéo, qui était avant l'Association des Producteurs d'œuvres Multimédia. C'est intéressant de voir le glissement, d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte que la vérité n'est pas si rose. Parce que en fait, je ne retrouve toujours pas ce côté un peu indépendant. Tu vois, par exemple, disons que je ferai le parallèle avec le MEDEF et là, CGPME, je crois, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Et effectivement, le problème, c'est qu'actuellement, dans le monde du jeu vidéo, en tout cas, je ne parle même pas dans le jeu de rôle ou dans le jeu de société, on a affaire à des MEDEF et pas à des CGPME, par exemple. Tu veux dire qu'à l'heure actuelle, la structuration, parce que pour le coup, si on fait le parallèle avec le MEDEF et le CGPME, on parle bien dans les deux cas de patron de boîte, il n'y a pas à l'heure actuelle un organisme de regroupement et de lobbying, appelons les choses par ce qu'elles sont, au niveau des créateurs indépendants, des toutes petites structures, des petites boîtes, ils n'ont pas encore su se regrouper pour faire porter voix. Et pour l'instant, de ce que tu me racontes, en tout cas, de ce que j'entends, il n'y a que les gros studios qui, eux, se sont regroupés pour faire avancer leurs idées et leurs revendications. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. J'aurais pas dû utiliser le terme CGPME, en fait. Enfin, je me rends compte là-dessus. Parce que, en fait, donc là, donc le SNJV, donc le Syndicat National de Jeux Vidéo, j'ai regardé un peu le CA par exemple pour regarder qui est-ce que ça comprend, du coup quelle boîte ça concerne. Donc, par exemple le président, donc Levan Sardegeveladze, je m'en excuse vraiment si j'écorche son nom, qui est donc gérant de Celsius Online, un studio qui est derrière Celsius Heroes, donc un jeu mobile Facebook. Je ne crois pas que ce soit une grosse entreprise, en tout cas j'ai pas vu quoi que ce soit qui me donnait signe de ça. Mais par contre, dans le CA, on trouve des gens intéressants. Par exemple, on retrouve Guillaume de Fondomière, qui est directeur de chez Quantigrims, qui est quand même connu pour être un jeu, pour produire des jeux dits triple A, donc des blockbusters, quoi, des jeux à gros budget. On retrouve aussi Nicolas Gaume, qui lui est directeur donc de la Division Developer Experiences chez Microsoft, qui n'est pas franchement une PME. Julien Mailleux, qui lui est Financial Planning Director chez Ubisoft, qui n'est pas une PME, et encore moins depuis qu'elle va être rachetée par Bolloré. On retrouve Cyril Morance, directeur juridique chez Ankama, qui, pareil, n'est pas une PME. J'ai regardé au hasard, même les boîtes que je connaissais pas, il y avait toujours quand même des choses qui montraient que c'était pas... On n'était pas sur les trois codeurs dans leur garage, quoi. Et c'est ça que je regrette un peu. Mais est-ce que... Alors, j'ai du mal à voir, du coup, parce que les trois codeurs dans leur garage, effectivement, ce serait une capacité. C'est pas pour... Je sais pas si parce qu'ils sont pas membres du... Enfin, parce qu'ils sont pas membres du CA, ils peuvent pas être membres du syndicat pour autant et avoir une voix à porter. Et peut-être qu'il y a de la pédagogie à faire auprès, effectivement, de développeurs. Je sais pas si une grosse culture de l'engagement syndical chez les développeurs, et j'ai vraiment aucune information là-dessus. Et puis, je pense que pour un certain nombre de créateurs de jeux, notamment ceux qui peuvent être amenés à bosser dans des grosses boîtes, enfin, tu vois, peut-être me dire le contraire, mais je me demande dans quelle mesure il n'y a pas vocation aussi à appartenir à des syndicats traditionnels. Et justement, c'est là où le bas blesse, en fait. C'est que là, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que donc les gens qui veulent créer du jeu vidéo, donc qui vont dans des écoles pour apprendre à créer du jeu vidéo, ils font des stages. On a vu dernièrement des scandales sur des excès du stage dans des projets. Donc ensuite, ils sont pris en CDD pendant un temps sur des grosses boîtes. Ubisoft, on a fait à l'appel des CDD ou des contrats d'auto-entrepreneur, là aussi. Hein. L'auto-entrepreneur, enfin, c'est pas le sujet ici, mais on pourrait en rediscuter longuement sur les abus. Et donc, en fait, on a des gens jetables. C'est qu'un projet marche, un projet marche pas. Voilà. Ce qui, du coup, ne permet pas de faire de propositions vraiment changeantes en termes de gameplay ou autre. J'ai oublié là où je voulais en venir, mais je vais y arriver, à retomber sur mes pattes. Si tu veux, voilà, on a des personnes jetables qui sont en formation, elles font un stage, elles font un CDD, et ensuite, bah, généralement, elles sont lassées de devoir se lever à 3h du matin pour devoir discuter avec Shanghai ou Montréal. Oui, là, clairement, je pense à Ubisoft. Du coup, il y a beaucoup de gens qui, tout simplement, partent de ces studios-là et créent leur studio indépendant. Mais ça pose, du coup, la vraie question qui est pourquoi ces personnes partent de ces grosses boîtes. C'est qu'il y a un climat social qui est hyper tendu. Et notamment, ce qu'on appelle les crunch. Je pense qu'on y reviendra. Mais, à nouveau... Ça voudrait dire que, parce que potentiellement, on parle de grosses entreprises, donc dans des grosses entreprises, il y a vocation à une présence de syndicats traditionnels. En quoi un syndicat spécifique aux jeux vidéo peut apporter des choses ? Parce que là, on parle de réglementation du travail, d'horaire, ce genre de choses. Enfin, pour le coup, ça touche au monde du travail de façon générale. Mais là, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas une culture, en fait. Il n'y a pas cette culture-là. Le monde du développement, notamment dans le dev classique, n'a pas cette culture syndicale. Ce sont des gens relativement jeunes, assez peu politisés, à ma connaissance en tout cas. Hein. Je peux encore dire des bêtises et je serais ravi que des auditeurs mettent en commentaire « Bah voilà, moi je suis développeur chez Bidule et je suis chez Sud. » Je serais ravi. Seulement, en fait, on a beaucoup recours à l'auto-entrepreneur. À des personnes à la tâche. Et l'auto-entrepreneur est précaire. Il n'a aucun intérêt à montrer un désaccord avec ses clients. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces périodes de crunch où on arrive à des gens qui... c'est pas eux qui se révoltent, ce sont leurs compagnes et leurs compagnons. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux préciser un peu ce que c'est le crunch ? Alors, le crunch en jeu vidéo, c'est une période de développement intensif. C'est-à-dire que vous avez une deadline, un salon ou l'éditeur qui vous dit bon bah voilà, ça suffit, j'en ai marre de financer le jeu, il faut à tout prix que le jeu soit prêt à telle date. Donc vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que mon jeu soit prêt à telle date. Et à partir de là se déroule souvent une période qui peut être plusieurs mois, ça peut être très long, où en fait on va demander aux gens de travailler au-delà des heures classiques. Je m'explique. Récemment, là, la semaine avant l'enregistrement de ce podcast, un des développeurs qui a participé à la création du jeu Fable, qui est un jeu de rôle anglais. Qui est sorti dans les années 2010, a fait un post-mortem là-dessus, où il expliquait des semaines de 60-75 heures. Il expliquait que tous ses collègues tournaient sous antidépresseurs. Il expliquait même à un moment que son médecin l'avait mis en arrêt, parce qu'il craquait, tout simplement. Et encore, il s'estimait, par exemple, heureux de ne pas avoir de compagne, parce que, du coup, ça lui coûtait moins de temps. Donc, on arrive sur des gens qui ont des heures complètement folles, qui, parfois, s'ils ont des compagnes, des compagnons, ne peuvent pas les voir. Et donc, ce qui s'est passé, alors, pas dans le cas de Fable que j'ai cité précédemment, mais on a eu, je crois que c'était à Montréal... Ouais, je ne sais plus à propos de quel jeu ni quel éditeur, mais où ce ne sont pas les développeurs, enfin les créateurs du jeu, qui se sont manifestés contre leur hiérarchie, mais bien leurs compagnes et leurs compagnons qui ont dit « Stop, un moment, on veut voir nos maris, on veut voir nos compagnons et nos compagnes. » Est-ce que finalement, ce que tu me racontes, ça ne mélange pas un petit peu deux choses? Parce que là, j'entends des problématiques d'un côté d'employés, de salariés, directement ou indirectement, de salariés ou de sous-traitants, quand on est, pour le coup, auto-entrepreneur, on est plutôt dans un cadre de sous-traitant, donc là, on a des problématiques de respect du travail, et puis... Je me demande dans quelle mesure les ambitions ou les problématiques du syndicat des créateurs, elles ne sont pas plus proches effectivement de celles qu'on a pour la SACEM ou pour la SACD, avec aussi un S qui est un S de syndicat dans l'absolu, hein, enfin, ou de société en l'occurrence, mais c'est pour les deux en plus. Mais en tout cas avec la même logique d'un côté de protection des droits, tu vois, de créateurs, et de l'autre côté une logique de protection des droits des salariés, ce qui sont deux problématiques assez différentes. Or, je me demande si une des limites à une société de créateurs en jeu et pas à l'heure actuelle plutôt un enjeu législatif qui est la possibilité de breveter ou de déposer un jeu. À l'heure actuelle, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les mécaniques de jeu. C'est peut-être là plutôt que ça se joue, non ? Je pense que Fibre Tigre l'a assez bien dit. Effectivement, c'est dur de breveter des mécaniques de jeu et actuellement, c'est pas faisable parce que, bah, de toute façon, créer une mécanique de jeu ex nihilo est hyper compliqué, voire même impossible. Actuellement, la seule propriété intellectuelle que tu peux avoir, ça va être sur des méthodes de brevetage. C'est notamment le cas dans les mini-jeux, pendant les temps de chargement. Jusqu'à très longtemps, c'était pas faisable. Il y a eu sur la flèche qui indiquait où on doit aller dans les jeux un peu ouverts, type Crazy Taxi. Donc effectivement, il y a juste des brevetages comme ça, ou alors des licences. Donc là, c'est très classique. La licence appartient à quelqu'un, une société, et donc il faut payer la dîme, entre guillemets, pour pouvoir triturer cette licence comme on veut, et encore sous condition. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire, ok, mais les créateurs, ils ont des primes d'intéressement. Alors, là, du coup, je me réfère à un document qu'on produit, donc le SNJV, le Syndicat National du Jeu Vidéo, Capital Games, qui est un cluster de créateurs de jeux sur Paris, et le cabinet Ocpalia. Il notait que 48% des boîtes qui sont sondées, donc à peu près une centaine, je crois, sur 250, des boîtes sondées ont un système de primes pour améliorer les salaires. Mais l'intéressement est peu répandu, c'est environ 18%. Donc c'est pas la majorité. Et en plus, le problème, c'est que même s'il y avait des intéressements, etc., c'est que ça ne peut que favoriser le crunch. c'est que on va dire voilà, travaille plus parce que du coup il y a l'intéressement au bout. Donc explose tes heures, nique-toi la santé, comme ça t'auras la petite carotte au bout. Donc c'est ça que je voulais aussi souligner, c'est que le problème, c'est, on n'a pas de syndicat des prolétaires du jeu. Mais alors là je parle de jeux vidéo, mais on pourrait, je pense que Romaric Briand aurait beaucoup à dire sur les conditions des auteurs de jeux de rôle. Je prends Romaric Briand parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé là-dessus, c'est pas le seul. Hein. Et je parle aussi du jeu de société. C'est vrai que là, dernièrement, on a eu Antoine Boza. Je crois savoir que c'est un des rares qui arrive à vivre de son art dans le jeu de société, en tout cas en France. Après, à l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est des problématiques un petit peu compliquées, effectivement, et je pense qu'effectivement, elles le deviennent et elles prennent une certaine urgence pour toute personne qui décide de faire sa vie en tant que soit concepteur de jeu, soit joueur, hein, dans le cas des joueurs notamment d'e-sport. Voilà, en tout cas des choses qui nous font réfléchir, la présence d'un point de vue législatif ou lobbying, en tout cas du jeu dans la société, c'est des choses qui évoluent. On le pressentait quand on a lancé l'utologie, on voit que ça bouge et que ça pose plein de questions. Alors ça apporte des réponses qui sont celles qu'elles sont, pas toujours satisfaisantes pour les grands idéalistes que nous sommes, mais en tout cas qui montre qu'il y a des choses qui bougent de ce côté-là et qu'à un moment ou à un autre les gens jouent et que ça finit par devenir une réalité, y compris économique. Des questions qu'on se pose depuis longtemps dans l'udologie. L'udologie, bah, ça fait 33 numéros, comme je disais, qu'on a commencé avec ce numéro-ci inclus. Deux saisons, deux ans avec Adrien. On n'a pas l'intention de s'arrêter là. On commence à avoir bien pris nos marques. On a encore des sujets dans les manches et puis on a encore des projets pour l'année prochaine. On va s'arrêter pour vous en détailler quelques-uns. En premier lieu, Adrien, on réfléchit depuis quelques mois à l'idée d'élargir l'équipe. Bah oui, effectivement, parce que on est là depuis deux ans. Alors c'est pas qu'on s'aime pas, hein. mais effectivement, on est en train de chercher des gens pour apporter de nouvelles voix, de nouveaux regards aussi, parce que effectivement, là, on a parlé par exemple pendant presque une bonne demi-heure de jeux vidéo. Manuel pourrait vous parler une bonne demi-heure de jeux de rôle. Et de jeux mobiles aussi, et un petit peu de jeux de société. Mais voilà, il faudrait sans doute des gens pour approfondir des points inexplorés et effectivement, et aussi féminiser. Parce que ça, je pense que c'est un grand regret. Je parle pour moi et je pense que Emmanuel, en tout cas, confirme. Oui, effectivement, la parité n'est pas respectée. Et c'est un grand regret dans nos invités. C'est pas que nos invités n'ont pas été bons, on a plutôt été chanceux de ce côté-là, mais c'est qu'effectivement on a beaucoup de mal à trouver des femmes qui acceptent de répondre à nos questions. Je pense que là-dessus, Manuel, tu peux témoigner de la difficulté de trouver des intervenantes au féminin. Voilà, donc si vous avez des choses à dire sur le jeu en général, sur une forme de jeu en particulier, ça, c'est possible aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujets. Si vous êtes des garçons aussi, hein, vous avez droit. Mais si vous êtes des filles, vous avez encore plus le droit, voire même vous en avez le devoir. Contactez-nous. Le mail, c'est ludologiepodcast@gmail.com. Alors, ludologie au pluriel et ludologiepodcast tout attaché. Donc, allez-y. On vous le mettra dans l'article, hein, de toute manière, qui accompagne ce podcast. Mais en tout cas, contactez-nous si vous avez des idées de sujets. Nous, on est preneurs. On essaye de phosphorer régulièrement pour avoir de nouvelles approches, de nouvelles idées. Et puis, on s'enseigne, on s'informe, on s'intéresse. Mais on on sait qu'il y a forcément des gens qui ont des choses à dire auxquelles on n'aurait jamais pensé tout seul. Vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, pour ce qui est de l'équipe d'animation, on a déjà quelques pistes. On joue aussi avec quelques contraintes structurelles, notamment le fait que on est basé à Rennes et pas à Paris, ce qui signifie que le pool de personnes potentiellement disponibles est un petit peu plus restreint, même s'il y a toujours des moyens de s'organiser. En tout cas, voilà, une de nos envies pour la saison 3 de Ludologie, c'est d'élargir l'équipe. Vous nous entendrez un petit peu moins souvent, Adrien comme moi, on espère, si on arrive à élargir l'équipe. Mais en tout cas, ce sera l'occasion d'avoir des nouvelles voix, de nouvelles personnalités, des nouvelles idées. Et puis, on espère que ça vous intéressera beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Adrien, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots de tes idées autour de Ludologie pour l'année prochaine, en souffler quelques mots. Je sais qu'il ne faut pas forcer le teasing. Alors, Ludologie est un podcast qu'on a toujours voulu gratuit et ouvert à toutes et à tous. Ça prend du temps. Ça nous coûte de l'argent. Voilà, SoundCloud, pour héberger tous nos contenus, nous coûte de l'argent. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a avancé de notre poche. Et au bout d'un moment, pour nous, ça, enfin, c'est pas que c'est compliqué, on n'est pas à la rue, hein, on vous rassure. Mais voilà, le jour par exemple où SoundCloud augmentera ses prix, où notre matériel d'enregistrement cassera, on sera plus embêté. Donc on va pas vous demander de payer la saison de Ludologie classique, mais moi de mon côté, en tout cas, je suis en train de réfléchir à une formule qui pourrait intéresser la communauté d'auditeurs de Ludologie, ou une partie en tout cas, pour vous proposer un contenu qualitatif et qui, je l'espère, méritera vos deniers, on verra. Mais en tout cas, voilà, ce sera pas Ludologie continuera dans sa formule canonique, ça c'est évident. En tout cas, moi je ne conçois pas l'année prochaine sans. Mais on va essayer, justement, je vais essayer, moi de mon côté, Manuel n'aura pas forcément le temps de s'y consacrer, mais voilà, on va essayer de proposer un contenu plus qualitatif et donc qui méritera un abonnement ou un payé pour le contenu en question. On verra, c'est en discussion, c'est en projet. Donc voilà, je vous dis pas quoi, je vous dis pas quand, mais c'est en réflexion. Voilà. Et puis, toujours dans le cadre des annonces, on en profite, hein. Il n'y a que nous, alors on se fait plaisir. Cet été, Ludologie part en vacances, mais on vous chouchoute, on ne vous oublie pas. Et du coup, moi aussi, j'ai eu l'occasion de participer au Stunfest organisé par Troyes de Combo cette année. Et en l'occurrence, j'ai participé à l'organisation des tables rondes. Et avec Ludologie, on est content parce que le Stunfest propose, et nous, on y allait comme spectateurs depuis pas mal d'années, des tables rondes autour du jeu vidéo, en particulier du jeu en général, généralement assez riche, avec des invités très pointus, Mathieu Triclot notamment, Florent Morin, enfin, vous retrouverez un certain nombre de voix qui vous seront probablement familières. Mais en tout cas, si tout se passe bien, on devrait pouvoir vous diffuser les tables rondes du Stunfest 2016 sur le SoundCloud de Ludologie cet été, soit quand même 13 rendez-vous de 2 heures. Vous allez pouvoir vous gaver pendant tout l'été de réflexions très élaborées sur plein de formes, plein de problématiques sociétales. Vous constaterez que vous pouvez retrouver ma voix dans certaines d'entre elles, puisque j'ai eu le plaisir d'en animer deux. En tout cas, voilà, on ne sait pas encore exactement quand, mais dès qu'on les a, on vous les diffuse. Ce sera probablement tout d'un bloc. Alors, du coup, vous aurez après l'occasion de faire du binge listening, ou alors au contraire de vous les laisser défiler tranquillement pendant tout l'été. Mais voilà, on pense vous diffuser ça d'ici quelques temps, on vous préparera ça. Alors sur le SoundCloud, ça ira assez vite, et puis on essaiera de faire des petits articles pour accompagner tout ça sur les réseaux sociaux, histoire que vous puissiez relayer tranquillement sur le Tumblr, ce qui fait partie des choses qui m'ont fait bien plaisir cette année. J'avais envie de terminer ce podcast, Adrien, en prenant le temps de te demander, et puis quelque part de me demander aussi, Après deux saisons, c'est un bon cycle. Hein. C'est toujours, ça laisse le temps d'avoir vu des choses. On se fait un peu plaisir entre nous là, pour ne rien vous cacher. Adrien, toi, au bout de deux saisons, deux choses, deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'a fait plaisir, c'est quoi le truc que Ludologie t'a apporté dont t'es content? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est quoi le numéro que tu recommandes à nos auditeurs qui nous écouteraient pour la première fois? Vache, tu parles d'une question. Qu'est-ce que m'a fait découvrir Ludologie? Ludologie, justement, m'a apporté cette dimension métier, en fait. On a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui ont fond du jeu. Du jeu au quotidien, quoi. Des gens comme Jérôme Larrey, Fibre Tigre, Florent Morin, ou Thomas Munier. Ou Antoine Boza. Enfin, Antoine Boza, c'est quelqu'un dont on a vraiment apprécié, adoré ses jeux. Et du coup, ils nous apportent leur réalité au quotidien, et avec des vraies problématiques sur comment on fait jouer les gens ensemble, comment on les fait jouer les gens contre eux, comment on, à travers un loisir, on peut témoigner de la tristesse, de la folie, plein de choses. Et oui, c'est vraiment cette dimension métier-là que m'a apporté Ludologie, au-delà des sciences humaines, de la sociologie, etc., qui était un peu notre but premier. C'est vraiment, voilà, on a l'impression que c'est une série de portraits, en fait. Et là-dessus, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et aussi, de l'inattendu. On se rend pas compte, tu me diras si je me trompe, mais moi je me rends pas compte de la diversité des sujets qu'on a explorés. Mais par exemple, Jeux et Corps est un podcast qui a bien bien marché, et moi j'en entends encore parler alors que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que c'est passé. Jeux et Corps, j'en entends encore parler parce que ça a beaucoup marqué les gens. En bien, hein, heureusement. C'est un truc inattendu. On a fait plein de trucs comme ça, d'associations. Le jeu et le bistrot. C'est un truc, quand tu l'as amené, je n'y croyais pas vraiment. Et pourtant, effectivement, c'était hyper intéressant de discuter avec Xavier, que je croise de temps en temps en allant prendre un café chez lui, quoi. Et effectivement, c'était l'inattendu, des forces de proposition, et avec des gens qui passionnés et passionnants. Voilà, Romaric, Thomas Munier, Thomas B, JB qui nous parlait de Platon, qui est intarissable sur les quand on le lance. Voilà, c'est des rencontres, et c'est tout ça. Et donc du coup, par lequel je conseillerais de commencer, je dirais... sans doute le plus représentatif, parce que là en plus récemment j'ai réécouté pas mal de vieux pour rien vous cacher, je dirais sans doute avec Bastien. C'est un ami, ok, ça compte, mais en fait Bastien incarne parfaitement l'esprit Ludologie, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'est pas fermé. Il n'est pas fermé et il est accessible en plus. C'est quelqu'un qui parle autant de jeux de société, de jeux de rôle, pardon ? Dis son nom, Bastien Kerspern, désolé, oui, effectivement, Bastien Kerspern, et on a parlé jeux et citoyenneté avec lui. Voilà, le podcast Jeux et citoyenneté, allez-y, c'est très bien, parce que ça parle autant de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux de rôle, de problématiques sociétales, tout ça dans un esprit à la fois décontracté et sérieux, et vraiment, ouais, c'est une excellente porte d'entrée, et assez complète, et je pense compréhensible pour le commun des mortels, parce qu'on a certaines émissions qui sont assez velues, faut quand même se l'admettre. Et toi du coup, Manuel? Alors moi, qu'est-ce que ça m'a apporté dont je suis content? La principale chose, ça m'a apporté plein de choses, notamment le fait de participer au Stunfest, etc. Mais la première chose qui m'a fait plaisir, c'est que ça m'a permis de me mettre un bon coup de pied au cul pour me lancer moi-même dans la conception de jeu. Enfin, je grenouillais dedans depuis quelques temps, mais voilà, publier mes premiers jeux, je l'ai fait après qu'on ait lancé Ludologie, et je pense pas que j'aurais fait si on n'avait pas commencé Ludologie, donc ça c'est chouette. Et puis ça nous a permis aussi par intrication de rentrer en contact avec des gens qui sont devenus des interlocuteurs puis des invités, donc je suis assez content de ça. C'est l'occasion, ça a été l'occasion de Ludologie de rencontrer pas mal de gens, effectivement. Moi, s'il y a un podcast que je dois garder, bah, tu l'as déjà évoqué, c'est Jeux et Corps avec Thomas B. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Thomas est une des personnes qui nous a contactés pour nous apporter un sujet auquel on n'avait pas pensé nous-mêmes, auquel on n'aurait probablement pas pensé nous-mêmes. Et j'ai eu un très grand plaisir à être surpris, d'autant plus que j'ai une pratique assez... J'ai une pratique qui date quand même de quelques années en jeu de rôle et j'ai quand même pas spécialement pratiqué le jeu de rôle grandeur nature. J'avais même quelques réticences et Thomas m'a vraiment donné l'occasion de changer entièrement mon regard sur le sujet. Ça m'a apporté plein d'idées de game design. Ça, j'en suis très heureux. Et voilà, ça fait partie des belles rencontres. Alors il y en a plein, hein, des belles rencontres ou des belles retrouvailles pour des gens qu'on connaissait déjà. Tu citais Jérôme Larré, mais il y a évidemment des tas d'autres personnes, Bastien Carsperne, Florent Morin qu'on a cité un peu plus tôt dans le podcast, enfin voilà, énormément de gens. Mais le podcast avec Thomas B, je trouve qu'il est vraiment vraiment intéressant, et pour rester dans les Thomas, quand vous en aurez écouté un, faites un petit détour pour écouter quand même celui de Thomas Meunier, parce que il arrive à être très fin, très juste et très accessible en même temps, pour parler de ce que c'est que l'expérience de jeu, notamment dans le jeu de rôle. Mais en plus, il a eu lui qui vient du jeu de rôle, il a vraiment fait l'effort d'élargir à d'autres typologies de jeux pour rester dans le cadre de Ludologie, ce qui est particulièrement appréciable. Voilà pour mes retours. Je pense qu'on ne vous fera pas le coup du « à quoi tu joues en ce moment ». Si, on fait le coup du « à quoi tu joues en ce moment ». Alors Adrien, à quoi tu joues en ce moment ? The Witcher 3, qui pour moi n'est pas un jeu de rôle, mais un jeu d'action. Je ferai sans doute un post écrit, si vous me suivez sur les réseaux, là-dessus, pour expliciter ma pensée. Mais voilà, mais c'est très très bien écrit en termes de narration. Par contre, ce n'est absolument... Il y a plein de choses qui sont critiquables, le machisme, etc. Ce n'est pas un jeu de rôle. Moi, je fais du jeu de rôle, par contre, mais sur table. En ce moment, je suis occupé à playtester mes prochains projets, et ça, c'est cool. Parce que c'est toujours plaisant, quand on a réussi à sortir un jeu ou deux, de savoir qu'il y en a d'autres derrière et que la flamme n'est pas éteinte. Et Adrien ? Parce que du coup, depuis le début de Ludologie, qu'est-ce que tu as sorti et qu'est-ce que tu as en cours ? Ça a quand même... Alors, de sortie, j'ai Sur les frontières, qui est disponible sur lulu.com en impression à la demande. J'ai Summer Camp, premier bivouac, le prélude à Summer Camp, qui est disponible aussi en impression à la demande. Et qu'est-ce que j'ai en cours ? Puisque pour l'instant, c'est tout ce que j'ai sorti concrètement. Qu'est-ce que j'ai en cours ? J'ai Summer Camp, du coup, Summer Camp, qui est en route, qu'on espère sortir d'ici, dans le courant de l'été, on va dire, qui devrait être un joli bébé en termes de volume et puis de contenu et de quoi s'amuser. J'ai Aux marges du pouvoir qui est une sorte de suite de Sur les frontières, un jeu sans meneur qui joue avec des dominos dans un cadre un peu différent. Alors c'est pas vraiment une suite, mais en gros ces deux jeux là associés à un troisième forme un triptyque, justement le troisième du triptyque. J'ai quelques pistes pour, il est encore en playtest aussi, il s'appelle Monstre et cette fois-ci c'est un jeu de rôle grandeur nature qui se joue à deux, donc un format encore où j'ai expérimenté un petit peu. Là je suis sur un autre projet qui s'appelle Psychose, qui est un remake de règles pour un jeu déjà existant qui s'appelle Patient 13, inspiré d'un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Psyrun. Voilà, ça ce sera un petit PDF gratuit disponible assez rapidement, j'espère, si les playtests se passent bien, mais je suis confiant. Voilà, et puis j'ai d'autres. Après, il y a les projets de fond, les trucs qui traînent dans les tiroirs, qui sont développés sur 3 lignes et demie, mais où j'ai une petite idée de ce que je veux faire. J'ai pas envie de trop m'avancer parce que j'ai vraiment pas suffisamment développé les choses pour savoir si je les sortirai un jour. En tout cas, ce dont je vous ai parlé, c'est sûr qu'ils vont sortir puisqu'ils sont soit prêts, soit en production, soit en bêta-test. En tout cas, ils ont passé les alphas, ils sont suffisamment solides pour être sûr que je vais les sortir. Voilà. Et pour ce qui est des jeux que je pratique moi en ce moment, bah, je joue sur mobile, sinon vous le savez. Je joue donc en ce moment à Mekorama, M-E-K-O-R-A-M-A, un petit jeu sur mobile, un puzzle game qui est sorti il y a assez peu de temps, qui est tout mignon, il faut amener un petit robot sur un interrupteur en gros, hein, et surtout qui a le bon goût d'être très bien fait, d'intégrer un éditeur de niveau, ce qui permet à tout le monde de rajouter ses niveaux, d'intégrer un système de capture qui permet de récupérer les niveaux qui ont été créés par les autres personnes de la communauté, et puis surtout qui a en plus une approche très intelligente, enfin surtout qui en plus a une approche économique très intelligente, puisque c'est le premier jeu que je vois sur l'App Store, donc le magasin de jeux pour iOS. C'est le premier jeu que je vois sur l'App Store qui est en prix libre. Et voilà, on peut l'avoir gratuitement et jouer tout ce qu'on veut. Et il y a absolument tout. Et il n'y a pas de pub. Et c'est bien. Et puis si on trouve que c'est bien, on peut donner de l'argent. Et on peut donner ce qu'on veut. Il y a plusieurs... Enfin, il n'y a pas exactement ce qu'on veut. Mais en tout cas, on a pas mal de choix. De 99 centimes à 30 euros, sensiblement. Et ça ne change rien au jeu. Ça ne rajoute rien. Ça ne retire rien. Bref... c'est à vous, joueurs, d'évaluer le prix juste que vous estimez pour le jeu en question. Alors je sais que ça pose des problèmes à des gens, le prix libre, mais moi je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça nous met devant nos responsabilités de joueurs de voir la valeur qu'on attribue à tel ou tel jeu. Et ça c'est plutôt pas mal, donc j'espère qu'il aura beaucoup de succès parce que... ne serait-ce que pour son modèle économique, il est intéressant, mais en plus, les mécaniques de conception de l'ensemble du jeu comme structure et puis de game design sont vraiment, vraiment bien. Les niveaux prévus par défaut sont très surprenants, très intelligents, avec plein de petits détails. Enfin voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer. En tout cas, moi, j'y prends énormément de plaisir. Donc, Mekorama, c'est très, très bien. Foncez. Et avec ça, je crois qu'on arrive au bout de notre dernier podcast de la saison, un peu plus court que d'habitude, hein, mais... pas beaucoup plus court que d'habitude, faut croire qu'on est bavard, d'habitude on est tout le temps en train de poser des questions, là on se rattrape. En tout cas, j'espère que vous avez eu l'occasion de l'écouter, si vous trouvez que c'est un peu trop de l'auto-congratulation, eh ben c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que on a droit... On n'en fait pas tout le temps. On espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé un minimum. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on a raconté, que vous trouvez que Mekorama, c'est pourri et que le CNJV, c'est génial, bah, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. On est tout à fait disposé à discuter. Si vous avez des idées de sujet, bah, bien sûr, contactez-nous. Hein, ludologiepodcast@gmail.com. Et puis on se retrouve cet été, si tout se passe bien, pour la saga d'été, les tables rondes du Stunfest. Et puis à la rentrée, septembre, octobre, on verra bien suivant le planning. On a déjà quelques idées de sujets, on a déjà contacté quelques invités. Donc on ne vous abandonne pas, au contraire, Ludologie sera de retour pour une saison 3. On vous fait des gros bécos, et puis profitez de l'été pour jouer. Après tout, vous êtes en vacances, vous n'avez rien de mieux à faire. Et même si vous aviez mieux à faire, faites-le quand même.